enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissent mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fajette Nancy 94.2. À la technique, nous avons Antoine et Guillaume, et puis Yves n'est pas très loin. Daniel en votre compagnie pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Alors la programmation de ce jour vous propose du zouk antillais, bon ben c'est la tradition. Un voyage musical, on va rester en France aujourd'hui, en Provence. Trois coups de chapeau au plus discret des artistes de la chanson française, j'ai nommé André Perron, et une promenade autour du mot Provence dans le titre des chansons. Allez, place au zouk, Ayayé, Rodrigue Seller. Oh mon amour, nous étions si bien tous les deux, il a fallu que tu me quittes, je t'aime. Aussi loin que l'amour passionnel, je chanterai mon amour éternel. Je dirai que j'ai tant pleuré le jour où tu m'as quitté. Quand nous étions si amants. voyage en amoureux. Les étoiles reflèteront notre amour. La Provence. Ben, il est difficile de découper la Provence en départements, car les confins de cette province ne sont pas aussi clairs qu'on pourrait le penser. Alors, pour faire simple, les départements qui sont concernés, on va prendre le Var, les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Vaucluse, donc Châtelieu, Marseille, Toulon, Nice, Digne et Avignon. Allez, un hymne pour cette province. En 1867, le poète catalan Don Víctor Balaguer est arrêté à Barcelone et pour être déporté. Il réussit à s'échapper avec sa famille et il est accueilli en Provence par le poète Frédéric Mistral. Ça y est, il est sauvé. Ses amis catalans, pour remercier les poètes provençaux, firent alors couler une coupe en argent massif. Et cette coupe est depuis mise en sécurité et elle ne sort qu'une fois par an, le jour de la Sainte Estrello. C'est la Cupo Santo. Et pour remercier les Catalans de ce don royal, Mistral, Paul Mistral, a écrit, non, c'est pas Paul, c'est Frédéric, a écrit un poème mis sur une musique du XVIIe siècle de Nicolas Saboli. La Cupo Santo est devenue depuis l'hymne national provençal et au-delà, Cupo Santo Michel Thor. Santo, vieja plena. coup de chapeau à André Perron. Auteur, compositeur, interprète, André Perron, qui doit normalement être à l'écoute aujourd'hui de notre émission, a fait essentiellement une carrière de clerc de notaire à Saint-André-les-Alpes, département Alpes de Haute-Provence, matin doit être chez lui, à Torrambas. Bonjour André. J'ai passé tant de nuits à me tromper de route que je ne connais plus la couleur des saisons, que je ne saurais reconnaître sans doute l'oiseau de nulle part qui garde ma maison, l'oiseau de nulle part, André Perron. J'ai passé tant de nuits à me tromper de route, que je ne connais plus la couleur des saisons, et que je ne saurais reconnaître sans doute l'oiseau de nulle part qui garde ma maison. Au ciel de ce pays, les vagues des montagnes murmurent quelquefois les mots d'une chanson. Que le souffle du vent tendrement accompagne. Et des oiseaux de nuit chantent à l'unisson. Si un jour il me vient d'une vie de légende, que je puisse compter à des petits-enfants leurs yeux émerveillés et leur bouche trop grande, me donneront un peu du bonheur que j'attends. Peut-être enfin qu'un soir, mon bateau en partance noir de coque et de mât, mais blanc de sa grand voile, me dira, il est temps, tire ta révérence. Et viens-t'en faire un tour du côté des étoiles. J'ai passé tant de nuits à me tromper de route, que je ne connais plus la couleur des saisons, et que je ne saurais reconnaître sans doute l'oiseau de nulle part qui garde ma maison. Les Santons de Provence. Vous connaissez les Santons de Provence? Ce sont de petites figurines en argile, très colorées, représentant dans la crèche de Noël la scène de la nativité. Alors l'enfant Jésus, la Vierge Marie, Saint-Joseph, avec l'âne et le bœuf, les rois mages et les bergers, ainsi que toute une série de petits personnages figurant les habitants d'un village provençal et leur métier traditionnel. Et tout ce petit monde, chacun muni de son présent pour l'enfant Jésus, fait route à travers un paysage comportant traditionnellement une colline, une rivière avec un pont et des oliviers vers l'étable surmontée de son étoile, Manique, Santon de la Provence. Santon de la Provence et de partout, debout devant la crèche ou à genoux, vous gardez dans vos mémoires depuis très longtemps une étrange et belle histoire qui a 2000 ans. À l'entrée de l'histoire sommeille le gardien, un ange qui ne parle qu'avec des mots latins. Au-dessus de l'étable, il chante sur le toit, s'enroule d'une écharpe pour protéger sa voix. Les moutons, laine contre laine, sur ses pas tournant rond comme des flocons. Pêcheurs et tisserands, et même les rois mages se glissent dans leur rang. Joseph et Marie, le bonheur dans l'âme, veillent sur leur petit qui s'est endormi. Santons de la Provence et de partout, debout devant la crèche ou à genoux, vous gardez dans vos mémoires depuis très longtemps une étrange et belle histoire qui a 2000 ans. Allez, on va lâcher la Provence quelques instants, place au zouk. Joël Galipeau, natif de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, fut bercé dès l'enfance par des chansons qu'écoutait sa mère, Maï Brandt, Joe Dassin, Claude François, Johnny Hallyday, et c'est vers l'âge de 16 ans qu'il se rapprocha de son père, qui l'entraîna dans le rythme de la salsa. En parallèle, il se découvrait une passion pour l'écriture, et réalisé une carrière de poète avec plus de 200 textes à son actif. Il fut ensuite la rencontre de Richard Bierman, qui eut une influence très positive sur son métier d'artiste. Peu connu de la scène française, faute de diffusion, ce n'est que 7 ans après la sortie de son album Fusion 5 qu'on le découvre enfin en France métropolitaine. Fusion 5, Nadia, Joël Galipeau. Et moins bloqué si on fait créé rien qui pour faire trembler. Si dit bon Dieu créé rien qui pour faire crier. La Provence, voisine de l'Italie et au bord de la mer Méditerranée, la Provence est réputée pour ses paysages variés, des Alpes du Sud, des plaines de Camargue, aux vignobles vallonnés et aux oliveraies, en passant par les forêts de pins et les champs de lavande. Ah, j'aime bien quand on parle de la lavande. La Côte d'Azur, la partie orientale du littoral méditerranéen français, et puis les gorges du Verdon, un canyon creusé par la rivière Verdon. Le Palais des Papes en Avignon, à la fois forteresse et palais, résidence pontificale, qui fut pendant le XIVe siècle le siège de la chrétienté d'Occident. Le massif du Luberon, avec ses carrières d'ocre jaune, orangé et rouge, qu'on s'en met plein les pieds quand on visite. Le château d'If, forteresse française, édifiée sous les ordres de François Ier, au centre de la rade de Marseille. Et puis le mont Ventoux, à 1910 mètres. Les cyclistes y connaissent. Hein. Montagne, cyclisme, chalet, ski, vignoble et 20, bien sûr. Les calanques de Marseille, qui constituent une succession d'anses et de criques s'étendant sur plus de 20 km sur la mer Méditerranée, entre Marseille et Cassis. Et je voudrais faire un petit coucou à Marie-Thérèse Vion, qui a eu la gentillesse de m'offrir une photo artistique des calanques. Alors, Marie-Thérèse Vion, peintre cassidane, et son mari, bonjour. Les îles de Porquerolles et de l'Airain, et puis ne pas oublier les musées Matisse, Chagall et Picasso, et la baie des Anges s'étend de Nice à Saint-Laurent-du-Var. Elle est bordée notamment par la promenade des Anglais et le quai des États-Unis. À ce sujet, il y a une légende, celle d'Alexis de Jussieu, publiée en 1856, une légende qui nous apprend qu'Adam et Ève, après avoir été chassés du paradis terrestre, furent conduits sur ses rives par des anges compatissants, puisque la beauté de ce paysage lui faisait presque égaler leur paradis perdu. Mais tout ça, c'est une légende, bien sûr, ne le répétez pas. Et puis, une pensée émue pour le chanteur qui nous a quittés cette année, Dric Rivers, Nice, baie des anges. En français, quand j'avais 18 ans. Oh, j'étais un blouson noir, un parfait, un loupard comme tant rêvé, et c'était le bon temps. Du côté des Remember, j'ai pris les flashs. Remarqué par Michel Drucker, André Perron, qui s'apprêtait à faire une carrière internationale, il était alors maire d'un petit village des Alpes, Thorame Basse. et il rejoignait l'équipe d'artistes emmenée par Claude Nougaro et il signa donc un contrat chez les disques Barclay. Savez-vous qu'il paraît que depuis qu'elle est veuve, la Fernande embellit. Puisqu'on voit souvent la bicyclette neuve du Benoît près du puits. Enfin, ce que j'en dis, c'est l'histoire de dire. Ce qu'il paraît qu'on dit, ce n'est pas pour médire de cette vieille amie, les vieilles, André Perron. Savez-vous qu'il paraît que depuis qu'elle est veuve, la Fernande embellit, et puis qu'on voit souvent la bicyclette neuve du Benoît près du puits. Enfin, ce que j'en dis, c'est histoire de dire ce qu'il paraît qu'on dit. Ça n'est pas pour médire de cette vieille amie. Et sous le gros tilleul à deux pas de l'église, elles avaient dans l'œil de curieuses pensées. Les vieilles. Si quelquefois le soir elle parlait des hommes, enfin de ceux d'avant, c'était un père, un fils, un frère ou bien personne, mais jamais un amant. Car il n'est pas séant de parler de ces choses que l'on voit maintenant, et que des pas grand-chose font même ouvertement. Et l'ombre du tilleul n'a pu les inciter qu'à s'entre-révéler des choses bien permises, les vieilles. Emmitouflées de gris et pantouflées de laine, ces souris empressées allaient chaque matin rejoindre leur fontaine à petits pas pressés. La place est réservée, mais pour s'en emparer, l'Armande et la Renée ou Julie du Grand Pré ne se font pas prier. Et depuis le tilleul, on entendait claquer les battoirs sur le lin de leurs longues chemises. Les vieilles. Et comme elles couvraient d'odeurs de confiture les murs de leur maison, les ruelles sentaient la pomme ou bien la mûre de saison en saison. Et quand le gros bourdon s'enrouait de tristesse pour guider la lison, vers sa dernière messe, l'église sentait bon. Et le tilleul drapé dans son écorce grise les voyait une à une rejoindre le cyprès, les vieilles. Un jour on leur a dit qu'il était plus commode et surtout moins gênant d'aller compter au chaud d'un asile à la mode leur dernier grain de temps. Quand on n'a pas d'enfant ou qu'on n'a pas grand-chose, quand on vit trop longtemps et qu'on sait trop de choses, on encombre souvent. Chaque tour de clé, chaque bruit de valise secouait le tilleul comme un coup de cognée. Voilà ce qu'aujourd'hui le tilleul et l'église ne racontent qu'au vent qui se souvient souvent des vieilles. Il se pourrait que les moineaux deviennent cigales, que la tour Eiffel flirterait avec le Mistral. À la place de la Canebière, on aurait les Champs-Élysées. Les figues pousseraient sur les marronniers. La Seine serait bleue et on y pêcherait en abondance la rascasse et la girelle. Oui, à une condition. Oui, si Paris était en Provence. Mireille Mathieu. Ces moineaux deviendraient cigales, la tour Eiffel comme en vacances flirterait avec le Mistral. Si Paris était en Provence, à la place de la Canebière, Champs-Élysées, quelle chance, sombrer dans les bras de la mer. Rouget de Lille aurait de la peine, car son hymne national deviendrait la parisienne avec l'accent provençal. On verrait ici et là des figues sur les marronniers et fleurir le mimosa dans Montmartre ensoleillé. Si Paris était en Provence, le petit quinquin serait auvergnat, tout se décalerait en France, on ferait le champagne vers Carpentras. Si Paris était en Provence, Lyon pousserait Marseille dans l'eau, et Marseille sans résistance ferait la belle d'un port d'Ajaccio. Si Paris était en Provence, la Seine serait bleue comme le ciel. On y pêcherait en abondance, et la rascasse et la girelle. Si Paris était en Provence, les Parisiens se fourmillent, ivres de soleil, de nonchalance, deviendraient cigales pour la vie. Candidat au jeu de la chance. Ben oui, Mireille Mathieu y a participé aussi. En 1968, et ben c'est Patrick Lemoine qui s'accompagne lui-même au synthé, La Provence, Patrick Lemoine. Il est toujours là, dans mon cœur, le parfum de la garrigue. Et dans ma bouche, une saveur de thym d'olive ou bien de figue. La fille aux yeux bleus de lavande, profond comme les océans, à tel point que je me demande si je peux m'y noyer dedans. Il est toujours là sur mes lèvres, de la chanson et des baisers, refrain d'amour, nom de rêve, si tu voulais les partager. Et de ma main, du bout des doigts, je peux toucher toute la Provence. Les cloches de mes beffrois sonneront joie, sonneront danse à la folie, mes carillons teintés de joie comme en baptême. Sonnez mes noces de coton, chantez pour moi celle que j'aime. Se demandant pourquoi le nord, pourquoi sont gris tous les navires, bien que les voiles soient au dehors. Mais j'ai toujours là, dans mon cœur, la fille aux yeux bleus de lavande, et sur mes lèvres une saveur de miel ou bien quelques amandes. Troisième coup de chapeau à André Perron. Pas content, Lady Barclay. Mais alors, pas content du tout. Tout rouge. Pas content des résultats de Claude Nougaro. Tellement pas content qu'il décidait alors de virer le crooner de Toulouse, de ses productions et ainsi que de toute l'équipe de Claude Nougaro. Alors, exit André Perron, qui se hâta de récupérer son job de clerc de notaire à Saint-André-des-Alpes et mit sous l'été noir sa carrière de chanteur international pour se satisfaire de contrats régionaux Nicolas André Perron. Le long d'un mur de pierre, accroché sur le ciel, une branche de lierre se balance pareil qu'avant. Et les planches des toits ont pris ce teint gris beige que donnent au vieux bois le soleil et la neige et le vent. Depuis chaque maison, à travers les persiennes, on entend la chanson que coule la fontaine. Et pourtant, tu sais, Nicolas, les gens n'y croyaient pas. Ils disaient, c'est trop tard, c'est trop vieux, c'est trop loin. Y a plus que des départs, c'est plus rien. Chaque jour ajoutait d'orides d'une autre ride, les orties s'installaient dans les ruelles vides pour longtemps. Et les pierres des murs s'évadaient doucement de dessous les toitures, éventrées par le vent et le temps. Pas d'autre devenir qu'un amas de décombres et le même avenir qu'un navire qui sombre lentement. Mais tu vois, Nicolas, même au bout du destin, même au bout de l'espoir, voilà que tout repart comme ça, par hasard, un matin. Pierre accrochée sur le ciel, une branche de lierre se balance pareil qu'avant. Et les planches des toits ont pris ce teint gris beige que donnent au vieux bois le soleil et la neige et le vent. Depuis chaque maison, à travers les persiennes, on entend la chanson que coule la fontaine. Et pourtant, tu sais, Nicolas, les gens n'y croyaient pas. Ils disaient, c'est trop tard, c'est trop vieux, c'est trop loin. Y a plus que des départs, c'est plus rien. La Provence porte un important héritage qui se déploie quotidiennement dans les assiettes. Des recettes aux bonnes odeurs d'olives et d'herbes aromatiques qui font le bonheur de nos papilles. Alors on va citer les tapenades à base d'olives noires broyées avec des câpres et des anchois. Bon, quelquefois on peut les agrémenter de tomates confites. L'aïoli. Ah, l'ail est un ingrédient essentiel dans la cuisine de Provence. C'est pourquoi l'aïoli s'emploie dans de nombreux repas pour aromatiser le poisson ou tout simplement en tartiner sur une tranche de pain. La sauce sera réalisée à partir d'huile d'olive et d'ail, auquel un œuf est quelquefois ajouté. Ah, la pissaladière, la pizza de la Provence. C'est une tarte salée comprenant une pâte à pain, pas de tomates, mais des herbes de Provence, basilic garni de compote d'oignons et composé de sardines et d'anchois. La fougasse. La fougasse est une sorte de pain salé ou brioché, fourré de multiples ingrédients. On peut y mettre des lardons, des oignons, du fromage, tomates, olives et puis autre chose si vous voulez. Alors le pistou, à ne pas confondre avec le pesto, c'est pas pareil. Le pistou, c'est à base de basilic et d'huile d'olive. La ratatouille, ah ben oui, c'est un repas d'été ça. 4 légumes estivaux, la tomate, la courgette, l'aubergine, le poivron, puis quelquefois on rajoutera aussi des oignons et de l'ail. La navette, alors là c'est de la pâtisserie. Spécialisée sucrée et petits biscuits secs préparés pour la chandeleur, se compose d'une base de gâteau aux vierges, souvent parfumée à la fleur d'oranger. La torprésienne, à la tropézienne, c'est un gâteau d'inspiration polonaise, brioche garnie de sucre cristallisé, fourré d'un mélange de crème pâtissière et de crème au beurre. Et la bouillabaisse, ah ! Alors là, c'est du sérieux. On verra plus tard avec un véritable spécialiste, pour l'instant Marcel Amont, bleu, bleu le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc. Bleu, bleu le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc le soleil de plomb et dans tes yeux mon rêve en bleu. J'ai besoin de vacances. Bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu. Je m'embarque bleu, dans tes yeux. Bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu comme un ciel bleu, immense. Bleu, bleu, bleu, bleu, bleu. Et nous partons bleu, tous les deux. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil. Claque la toile, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, de ton joli blanc, jupon blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc comme une blanc, voile, blanc, blanc, blanc, je navigue, blanc, blanc, blanc, blanc, éperdument. Bleu, bleu, le ciel de Provence, blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse, blanc, blanc, le soleil de plomb et dans tes yeux mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Tes cheveux d'un blond de rêve. Blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc. Des ferles en flots légers. Blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc. Blanc sur une grève où je voudrais naufrager. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb et dans tes yeux mon rêve en bleu. Bleu, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, bleu. La bouillabaisse, ah, la bouillabaisse, la bouillabaisse. Ben, ça ne se fait pas comme ça, hein, les enfants. D'abord, il faut se lever de bon matin, et puis alors il faut faire les courses, et la liste est longue. Bon, on trouvera tout ça au marché. Et n'oublions pas le pastis, à consommer avec modération, bien évidemment, les marchés de Provence, Gilbert Bécaud. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi, qui en ribambelle et franchit des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin. Cent francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long des marches de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies. Au milieu des fenouilles, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle et croisé des regards que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui rit et qui m'appelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues. Voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. À la bella poutine, à la bella poutine, baby, baby, baby, baby, la bouillabaisse, la bouillabaisse, la bouillabaisse. Non mais ça va pas, vous êtes affamé. Crevez de faim, là. Pour l'instant, on est à la recherche du chef cuisinier. Et c'est pas facile. Alors, on a Gilles Butin sur son yacht, on a les brigandes du château d'If, on a Milly Matisse, on a Jean Sablon et Fernandel. Bon, je sais pas, on va voir quel est le meilleur chef. Hein. Selon étant dit, la bouillabaisse, il faut que ça mijote, les enfants. C'est pas un truc comme ça qu'on achète, qu'on réchauffe au micro-ondes une minute. Non, mais alors? Alors, pour vous faire patienter un peu, tiens, je vous propose un quatrième coup de chapeau à André Perron. André Perron, les tétés de Christine. Les tétés de Christine sont tombées sur le tapis. Et le plus triste, c'est qu'on sait plus où on les a mis. Peut-être bien dans la poubelle ou dans le seau à charbon. Les tétés de Christine, bon Dieu, où c'est qu'ils sont? On lui avait bien dit, fais gaffe à tes tétons. Ils prennent un air penché, comme s'ils étaient en plomb. Elle a pas écouté. Et voilà que l'autre mardi, les tétés de Christine sont tombés sur le tapis. La pauvre se désespère, elle parle de se rayer et d'aller voir ailleurs si des fois ils y étaient. Elle croit que tout le monde la regarde, que les gens crient son nom, mais elle se fout le doigt dans l'œil, y a personne au balcon.